Appel à solidarité. Incendie de gendarmerie à Grenoble et à Nantes, l'État s'attaque au réseau Indymedia. Article paru le 23 septembre 2017 sur le site nantes.indymedia.org. Et voici sa lecture. Communiqué de soutien de médias libres ouvert à signature. Après la publication d'un communiqué revendiquant l'incendie d'un garage de la gendarmerie de Grenoble dans la nuit du 20 au 21 septembre, Indymedia Grenoble et Indymedia Nantes ont été menacés par la police française. Les équipes qui administrent ces deux sites ont reçu des courriels de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication, soit l'OCLCTIC, exigeant la dépublication sous 24 heures des articles concernés sous peine de blocage et de déréférencement des sites. Essayez de dire, vous allez voir si c'est si facile que ça. Les auteurs du communiqué expliquaient que l'incendie du garage avait été mené dans une vague d'attaques de solidarité avec les personnes qui passent en procès ces jours-ci, dans l'affaire de la voiture de police brûlée du quai Valmy. Dans l'incendie de ce garage à Grenoble, plusieurs dizaines de véhicules ont été brûlés. Voici le texte de communiqué, voici le communiqué publié. Solidarité incendiaire, ce jeudi à 3h du matin, deuxième jour du procès de la voiture brûlée. Nous avons pénétré dans la caserne de gendarmerie Vigny-Musset, avons incendié 6 fourgons d'intervention et 2 camions de logistique. Le garage et l'entrepôt ont été ravagés sur plus de 1 500 m². Cet acte s'inscrit dans une vague d'attaques de solidarité avec les personnes qui passent en procès ces jours-ci. Forte accolade à Cara et Crème, une pensée pour Damien, récemment tabassé par les flics. Quelle que soit l'issue du procès, on continuera à s'en prendre à la police et à la justice. Notre hostilité est un feu qui se propage. Signé des Nocturnes. Ce communiqué a également été repris par les médias comme le Dauphiné Libéré ou BFM TV, sans que ceux-ci soient apparemment inquiétés. Provocation à des actes de terrorisme. Comme le souligne l'équipe d'Indymedia Grenoble dans un communiqué, cette requête fait directement écho à l'attaque qui a eu lieu en Allemagne le 25 août dernier contre Indymedia Linksunten, attaque qui s'est soldée par la perquisition de 4 domiciles et un centre social autogéré, et ce pour des prétextes similaires. Dans les deux cas, c'est la notion de terrorisme qui est mobilisée par les gouvernements pour censurer les médias libres, puisque la police française s'appuie sur la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et évoque une provocation à des actes de terrorisme ou apologie de tels actes. Alors que les notions de terrorisme et de provocation ne sont pas définies, la loi française permet depuis février 2015 de faire disparaître des sites ou des textes sans recours au juge, sur simple requête de l'administration policière. À notre connaissance, c'est la première fois que ces dispositions sont brandies contre des médias alternatifs appartenant à la sphère anti-autoritaire. Les deux sites visés par les menaces des autorités ont décidé de retirer le communiqué de revendication incriminé. Les collectifs de modération de chacun des deux sites s'en expliquent dans deux textes distincts qui sont en lien et que je lirai sans doute dans la foulée du coup. Sur Indymedia Grenoble, après Indymedia Linksunten, Indymedia Grenoble et Nantes sont victimes de l'antiterrorisme, et sur Indymedia Nantes, entrepôt de gendarmerie en feu, que reste-t-il des libertés sur le web ? L'usage de lois antiterroristes pour attaquer spécifiquement des sites d'information indépendants renvoie à la violence des peines requises contre les personnes inculpées dans l'affaire de la voiture brûlée du quai Valmy. Il s'agit tout autant de dissuader les militants et militantes que d'en dépolitiser les actes. Depuis des années, les sites du réseau Indymedia permettent, entre autres, de rendre visible la nature politique d'actions directes. Cette nouvelle attaque contre des médias libres vise à faire taire les oppositions politiques radicales et à criminaliser les collectifs et individus qui communiqueraient sur leurs objectifs politiques sans le prisme déformant des médias traditionnels. Cette attaque est aussi à rapprocher des perquisitions qui ont visé cette semaine des militants et militantes antinucléaires de Bure. Leurs ordinateurs, ainsi que la photocopieuse qui leur servait à imprimer des tracts, ont été saisis par les gendarmes. Tous les moyens semblent être mobilisés pour réprimer l'expression autonome des mouvements de lutte. Comme nous le disions en mai 2015, suite à des poursuites visant le site toulousain yata.info, face à la répression, l'information est une arme. Malgré les nouvelles formes de censure qui se déploient, nous continuerons à animer et à multiplier les espaces d'expression autonome. Soutien à Indy Nantes et Indy Grenoble, solidarité avec les inculpés et inculpées du quai Valmy et avec celles et ceux qui mettent des bâtons dans les roues de la machine répressive. Premier signataire, mis à jour le 25 septembre à 12h45, Rébellion, La Rotative, Paris Lutte, Expansive, Renversée, Rennes Info, Brest Média Libre, Marseille Info Autonome, Manifeste, CQFD, Lundi Matin, Squad.net, IATA, Le Jura Libertaire, Jeff Clack. Pour co-signer ce texte individuellement ou en tant qu'organisation ou tout simplement manifester votre soutien, n'hésitez pas à contacter l'adresse mail suivante soutien-indymedia@medialibre.org. Je répète, soutien-indymedia@medialibre, média libre au pluriel, même EDIASLIBRES.org. C'est donc un texte initié par communiqué. C'est un communiqué de soutien de Média Libre ouvert à signature. Voilà. Dans la foulée, du coup, je vais vous lire aussi les communiqués de Indy Média Grenoble et Indy Média Nantes. Ces articles sont à retrouver sur les différents Indy Média cités, du coup, nantes.indymedia.org et grenoble.indymedia.org, c'est ça ? grenoble.indymedia.org, c'est ça.